Kolinga ya dudu eleki sentiment. Nzoto nyonso ekoma kolenga. Tuma ya lola mwetanga ngai na nzoto. Motema ekoma na esika elingaka. Je suis tellement comblé en amour. Na nyonso ya motema ekosengaka. Gentillesse, tendresse, affection, ma plaisir. Et en plus mon doudou est fidèle. Papa, come on.